Tous les jours me charme, et des femmes à qui tomberait mon âme. Avec elles j'accumule les années vie, avec elles j'accumule le halal. Oui, on fait du film, c'est pas le vif qui nous fait, mais pour jamais je me méfie. Mon frère, pas poison dans le verre. Maman, je me perds dans cette vie. T'es de la tête dans ma guide. Moi j'ai fait dans les récits, mais j'ai fait du bien aussi. La misère m'assassine, et la richesse me fascine. Oui, les deux, c'est pas facile. Tu es gentil, ma vie. Vais la tienne si tu veux mon avis. Ils sont pleins de haine et ils parlent de paix. L'hypocrisie est leur meilleur ami. Tous les jours, ça se répète. Tous les jours, de me casse. Un ennemi veut ma faute. Un ennemi veut ma perte. Tous les jours, ça se répète. Tous les jours, de me casse. Tout comme dans l'histoire, tu m'as vu en casse. Tous les jours, ça se répète. Tous les jours, de me casse. J'ai dit que je suis vacuée. Mon père, il n'est pas qu'il m'a fait des papiers d'arbre. Et en plus, sans papiers. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Quel bédard? Mais ton daron, c'est un bédard aussi, non? Les papiers, c'est pas un problème. On va les avoir, je vais les avoir, comment on va se marier? Qu'est-ce que tu... Il a pas envie de se taper la honte. Il a pas envie qu'on se tape la honte, la que honte. Je me tape la honte. Ah, ça veut dire maintenant, c'est pas un problème, c'est la honte. Écoute, c'est ça ce que tu me dis. Écoute, maintenant, c'est devenu la honte. Là. Écoute, je sais très bien comment sont nos familles. Je sais très bien. Tu connais mon père. Mais les choix, c'est toi qui les fais, c'est pas ta famille. Qu'est-ce que tu me racontes? Écoute, j'ai pas le choix. S'il te plaît, je suis désolée. Tous les jours.